Des scènes de crime par haut, les ennemis sur le carreau. On me dit tu vises trop haut. Je navigue, laisse des scènes de crime par haut, les ennemis sur le carreau. On me dit tu vises trop haut. Entre ma vie et la rue, j'ai choisi de les choquer. On n'arrête jamais de gamberger, on n'arrête jamais d'encaisser. J'ai bossé et bossé, j'ai rossé et rossé. Ce que j'ai capté, c'est que la liberté est un bien dont on peut nous priver. On dit c'est l'essentiel, trouver son arc-en-ciel. Avant de monter au ciel, on doit se venger de ceux qui nous coupent les ailes. Sincère est le mal, sincères sont les balles. Sans aucune morale, sans certaines rafales. S'en sortir il le fallait, mais où ça a débouché? S'en sortir il le fallait, mais où ça a débouché? Je percute les lignes, on est sur le ring. Il fallait poser, je mettais des high kicks. J'avance sans faire de sentiments. Non, dis-moi qui est vraiment innocent. Qui? Sans faire de sentiments. Non, mais qui est innocent? Qui? Je navigue, laisse des scènes de crime par haut, les ennemis sur le carreau. On me dit tu vises trop haut. Je navigue, laisse des scènes de crime par haut, les ennemis sur le carreau. On me dit tu vises trop haut. Je navigue, laisse les scènes de crime par haut, les ennemis sur le carreau. On me dit tu vises trop haut. Je navigue, laisse les scènes de crime par haut, les ennemis sur le carreau. On me dit tu vises trop haut. Je navigue, je navigue, je navigue, je navigue, je navigue, je navigue, je navigue. Je navigue.